Selon NUSIS sud-coréen, les navires américains et des forces d'autodéfense japonaises ont livré du 3 au 9 courant à la mer de l'Est de Corée les exercices maritimes conjoints. Y ont été mobilisés le corps de frappe du porte-avions nucléaire Calbinson des États-Unis, le porte-avions léger Hyuga et le destroyer Aegis des forces navales japonaises. Les vaisseaux ont livré les exercices sur le changement de leur formation de combat et le processus de communication lors du déplacement dans les eaux de la péninsule coréenne. Précédemment, les bellicistes américains et japonais ont introduit du 1er au 3 courant dans la mer de l'Est de Corée le corps de frappe du porte-avions nucléaire Calbinson, celle de Ronald Reagan et l'escorte des forces navales japonaises pour livrer le simulacre de guerre contre le Nord.